إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد إن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد الحمد لله رب العالمين on remercie Allah subhanahu wa ta'ala d'avoir permis que cet événement puisse avoir lieu dans lequel alhamdulillah on se réunit ensemble dans cette mosquée à Québec avec les frères de Masjid al-Athar. Et on profite de l'occasion de ces jours pour yani, apprendre notre religion et comprendre la réalité de, yani, de cet islam, alhamdulillah, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a ramené par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et on a tous besoin d'apprendre cette science et de comprendre cette religion comme il faut. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a mentionné dans le hadith « طلب العلم فريضة على كل مسلم » et rechercher la science est une obligation pour chaque musulman. Et il a mentionné le mérite de rechercher la science. « من سلك طريقا يلتمس به علما يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة » Donc Allah subhanahu wa ta'ala le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il mentionne dans le hadith que celui qui emprunte un chemin dans lequel il recherche la science, Allah subhanahu wa ta'ala va lui faciliter par cela un chemin vers le paradis. Donc la quête de la science, hein, c'est un chemin vers le paradis. Donc si quelqu'un vous dit qu'il veut aller au paradis, hein, parmi les musulmans, puis que vous ne le voyez pas faire d'effort pour acquérir la science, ça veut dire qu'il y a un problème, il y a une contradiction. Parce que le meilleur chemin, un des plus importants pour arriver au paradis, c'est d'avoir le savoir, connaître la religion. Et tu ne peux pas non plus adorer Allah subhanahu wa ta'ala sans avoir de science. Et plus important que ça encore, tu ne peux pas distinguer entre la vérité et le faux sans la science, sans le savoir. Donc tu as absolument besoin de savoir. Et on sait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a averti qu'à la fin des temps, il y allait avoir beaucoup de divisions. فَإِنَّهُ مَنْ يَعِشْ مِنْكُمْ فَسَيَرَ اخْتِلَافًا كَثِيرًا فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي وَسُنَّةِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ الْمَهْدِينَ مِنْ بَعْدِي تَمَسَّكُوا بِهَا وَعَضُّوا عَلَيْهَا بِالنَّوَاجِذِ وَإِيَّاكُمْ مُحْدَثَاتِ الْأُمُورِ. Donc dans le hadith de Al-Irbad ibn Sariya qui est très célèbre, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit: celui qui vivra après moi verra beaucoup de divergences, alors accrochez-vous à ma sunna et à la sunna de mes successeurs bien guidés après moi, tamassaku biha, cramponnez-vous à celle-ci et mordez dedans même avec vos molaires, et prenez garde aux choses inventées dans la religion. Donc tout ça c'est pour nous mettre en garde que vers la fin des temps il y aura de la division, il y aura des innovations, il y aura des choses qui vont nous égarer du droit chemin. Et il a mentionné que cette umma allait se diviser, comme les juifs se sont divisés, et comme les chrétiens se sont divisés avant nous. Les juifs se sont divisés, les chrétiens se sont divisés. Il a dit, vous aussi, vous allez vous diviser. Les juifs en 71 sectes, les chrétiens en 72 sectes, et vous, hein, cette umma, il dit, ma umma va se diviser en 73 sectes. C'est-à-dire, ils vont se diviser encore plus. Hein. Et en disant ça, les sahaba, hein, ils ont été curieux parce qu'il a dit, toutes ces différentes sectes seront en enfer, excepté une. Alors ils ont dit, laquelle sera sauvée au messager d'Allah, laquelle sera au paradis? C'est quoi cette une, hein, parmi les sectes qui sera épargnée du châtiment ou de la menace? Et il a répondu en disant que c'est celle qui suit ce que suivent, hein, ce que je suis moi-même ainsi que ce que suivent mes compagnons. Donc, celui qui souhaite être sur le groupe qui sera sauvé, qui sera épargné de la menace et qui sera au paradis par la permission d'Allah, eh bien, il doit faire partie de ceux qui suivent l'exemple des sahaba, l'exemple du prophète sallallahu alayhi wa sallam et l'exemple des sahaba. Et ça nécessite du savoir, ça nécessite de la science. Parce que comment tu peux savoir si tu es sur la voie des sahaba ou non? Comment tu peux savoir si la voie que tu suis, c'est la voie de nos pieux prédécesseurs, as-salaf as-salih, ou non? Ça nécessite de la science, ça nécessite du savoir. Et c'est une des raisons pour lesquelles on a organisé des séminaires, comme ce genre de séminaire qu'on a organisé ce week-end, pour justement faire en sorte qu'on acquiert plus de compréhension, plus de savoir de notre religion, et dans le but que Allah subhanahu wa ta'ala, il ouvre nos yeux et nos cœurs à la science, et pour qu'on puisse, par cette science et par la permission d'Allah et par sa grâce, pouvoir distinguer entre le vrai et le faux et suivre la vérité et s'écarter du faux. Et c'est pour ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a enseigné le dua dans lequel il a dit « Allahumma arina al-haqqa haqqan warzuqna tiba'a wa arina al-batila batilan warzuqna jtinaba » C'est-à-dire que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il répétait souvent cette invocation « Montre-nous la vérité comme étant vraie et donne-nous le fait de la suivre, fais en sorte qu'on la suive et montre-nous le faux comme tel, hein, montre-nous le faux comme étant une fausseté et donne-nous la capacité de nous en écarter. » Et donc ça c'est l'important de ça, c'est pour y arriver il faut acquérir le savoir. Le thème de ce séminaire ce week-end que les frères m'ont suggéré ou m'ont demandé d'éclaircir un peu, c'est au sujet des Khawarij. Et les Khawarij, c'est une secte parmi les sectes d'égarement, et parmi les sectes et les groupes qui ont dévié de l'islam authentique et de la vraie compréhension du Coran et de la Sunna. Il faut comprendre que c'est en même temps aussi la première des sectes. C'est la première qui est apparue après la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et cette secte, elle a dévié dans un des aspects, parmi les aspects les plus importants de l'islam, c'est-à-dire la compréhension et la signification de la foi et la réalité de la foi. Ça, c'est un des éléments sur lesquels ils ont dévié. Ils ont dévié aussi sur ce qui a rapport avec d'autres points comme l'autorité, et le pouvoir, la politique, hein, la gouvernance. Ils ont dévié sur des questions aussi qui ont rapport avec l'argent, et les biens, et les richesses, et la distribution des richesses. Ils ont dévié aussi sur des questions qui ont rapport avec la justice sociale, le fait d'ordonner le bien et d'interdire le mal, et ainsi de suite. Donc on voit que les points sur lesquels ils ont dévié et dans lesquels ils ont eu des compréhensions qui contredisent la compréhension de nos pieux prédécesseurs, sont des questions quand même très importantes et fondamentales. Et c'est pour cette raison que cette tendance ou cette croyance ou cette voie innovée a créé beaucoup de vagues et de dissensions et de problèmes dans la Ummah. Donc le livre que je vais lire avec vous pour aujourd'hui, bien entendu je vais me baser sur plusieurs références, mais celui dont sur lequel je vais me baser le plus aujourd'hui, c'est un livre qui s'intitule « Sharru qatla tahta adim al-sama' kilabu ahli al-nar » c'est-à-dire parmi les gens qui sont sous le ciel, les pires qui peuvent être tués, c'est les chiens des gens de l'enfer, les chiens de l'enfer. Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand il a parlé des khawarij, il les a qualifiés de chiens des gens de l'enfer. Il les a appelés comme ça, kilabu ahli an-nar. Et on peut dire que parmi les différentes sectes qui sont apparues parmi les musulmans, il n'y en a pas une dont le prophète sallallahu alayhi wa sallam a parlé plus et a mis en garde plus que cette secte en particulier. Il existe de nombreux hadiths à leur sujet. Et donc c'est pour cette raison-là que on va les lire, ces hadiths-là, on va essayer de les comprendre, inshallah, dans les cours qui vont suivre. Et le livre est écrit par un talib ilm qui s'appelle Jamal al-Harifi. Et il y a une introduction de Cheikh Salih al-Fawzan, Ma'ali al-Sheikh Salih ibn Fawzan ibn Abdullah al-Fawzan. C'est lui qui a écrit l'introduction de ce livre. Donc on va commencer tout de suite avec l'introduction, ou bien on commence à partir du point où, après avoir fait une préface, il explique la définition, qui sont les Khawarij. Et c'est important de bien comprendre, parce qu'il existe dans les livres des sectes et des firaq différentes définitions et différentes explications que les ulama ont mentionnées pour les définir et les décrire. Et il faut comprendre que parfois certains ulama ont expliqué ou ont mentionné certaines de leurs caractéristiques ou une de leurs caractéristiques pour mentionner qui ils sont. Tandis que d'autres savants ont mentionné d'autres. Ils ne les ont pas, par exemple, énumérées toutes à chaque fois. Ou bien parfois, certains ulama, ils les ont désignés par un nom en particulier, c'est-à-dire par une des têtes des Khawarij, ou bien un des groupes parmi les groupes des Khawarij. Mais il faut savoir que les Khawarij, c'est quand on dit que c'est une secte, c'est vrai que c'est un groupe qui a dévié, et ces groupes-là ont des fondements et des principes qui sont communs, mais ils sont apparus à différentes époques et dans différents endroits, et leurs idéologies ont été portés par différentes personnes, et historiquement ils sont apparus dans différentes régions et à différentes époques. Donc certains à certaines époques avaient un nom, et les ulama de cette époque là les désignaient par ce nom là mais il ne faut pas penser que le fait d'être Khariji ou de faire partie des Khawarij se limite uniquement à ce groupe ou à ceux qui portaient ce nom-là en particulier. Comme par exemple, un des premiers noms qui a été donné aux Khawarij, c'était Al-Haruriya. Al-Haruriya, c'était une des sectes parmi les sectes des Khawarij. Et on les a appelés Haruriya, pourquoi? Parce que ils se sont réunis dans un endroit qu'on appelle Harura. C'est les premiers qui ont combattu contre Ali ibn Abi Talib, radiyallahu anhu. Donc on les a appelés Al-Haruriya. D'accord? Il y en a aussi d'autres sectes parmi les sectes de Khawarij, comme Al-Azariqa, parce qu'un de leurs fondateurs, une de leurs têtes s'appelait, son nom de famille, ou bien son nom, son surnom, c'était Al-Azraq. Donc on les a appelés Al-Azariqa. Et donc à chaque fois que une des têtes des Khawarij apparaissait, ben, souvent on leur donnait le nom, on donnait à ce groupe-là le nom de leur fondateur ou de leur tête, de leur leader, de leur chef, si on veut. D'accord? Donc c'est pour ça que parfois vous allez trouver à travers les livres différentes appellations pour les Khawarij. Comme par exemple, il y a une secte des Khawarij qu'on appelle Al-Ibadiyya. Al-Ibadiyya, ils existent aujourd'hui encore. On appelle ce groupe les Ibadites en français. Ils disent Ibadites. Al-Ibadiyya. On les retrouve en Algérie, on les retrouve aussi en Tunisie, dans le sud. On les retrouve à Oman. Hein, c'est là qu'ils ont même le sultanat de Oman qui est en fait de la croyance des Ibadiyya. Et les Ibadiyya sont des Khawarij. Ils font partie des Khawarij. D'accord? Et il y a différentes catégories aussi de Khawarij. Il y en a qui sont plus extrémistes que d'autres. Donc, pour revenir à la question, qui sont les Khawarij? Le Cheikh il dit ici, أما الخوارج فهم الذين يكفرون بالكبائر التي دون الشرك والكفر ويخرجون عن طاعة السلطان ويخرجون عليه بالسيف ويدعون الناس لقتال السلطان وهذا يسمى خروج بالبدن. Donc il dit que les Khawarij, ce sont ceux qui déclarent des musulmans mécréants, kuffar, à cause de grands péchés qu'ils ont commis. Mais ce sont des grands péchés qui n'ont pas atteint le degré de kuffar ou de shirk majeur. Donc par exemple, s'ils voient des musulmans, par exemple, qui commettent des péchés, des grands péchés, comme le fait de, par exemple, boire de l'alcool, ou bien le fait de commettre la fornication ou de faire l'adultère. Bon, pour eux, ça fait sortir de la religion, ça fait sortir de l'islam. Tu deviens kafir si tu fais ça pour eux. Alors que ces choses-là sont des péchés, des kabair. Et certains de ces péchés-là, Allah subhanahu wa ta'ala a prescrit, hein, pour ces péchés, des peines dans la charia. Mais il ne les a pas déclarés comme étant des actes de mécréance ou des choses qui font sortir de la foi. Et la preuve, une des preuves que les ulama ont utilisées justement pour réfuter les Khawarij lorsqu'ils font le takfir de ces péchés, des gens qui commettent ces péchés-là, c'est justement que Allah subhanahu wa ta'ala, il a prescrit pour ces peines-là une peine qui est différente que la peine pour l'apostat. Wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Puisque l'apostat dans la religion, la peine pour lui, c'est la peine de mort. Hein? Tandis que pour celui qui fait l'adultère, il est lapidé, hein, jusqu'à la mort. Et les musulmans, à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'ils commettaient par exemple l'adultère et que certains ont été lapidés, on a fait la prière de la janaza sur eux. Si c'était des mécréants, on n'aurait pas fait la janaza sur eux. La même chose pour celui qui a été pris à voler, et qu'on a appliqué sur eux la peine, on a coupé la main par exemple, on a prié sur eux quand ils sont morts. Donc, la preuve qu'ils ne sont pas devenus mécréants pour ça. Et ceux qui ont bu de l'alcool, certains ont été flagellés. Hein, et on a quand même fait la janaza sur eux lorsqu'ils sont morts. Donc c'est la preuve, une des preuves qui montre que ces gens-là ne sont pas mécréants pour avoir commis ces péchés-là. C'est sûr que on dit que les gens qui ont commis ce genre de péché, c'est sûr que ça fait diminuer leur foi, et qu'on peut dire à leur sujet que ce sont des croyants qui ont une foi faible, ou que leur foi est faible, mais on ne peut pas les déclarer mécréants tant qu'ils n'ont pas rendu ces péchés-là licites, avec sciemment, en connaissance de cause. Donc ça, c'est parmi leurs descriptions, ils déclarent mécréant tout musulman qui commet un grand péché qui est moindre que le kufr ou le shirk majeur. Et également parmi leurs caractéristiques, ils appellent ou ils se révoltent contre l'obéissance aux dirigeants. Ils se rebellent, ils se révoltent contre l'obéissance aux dirigeants musulmans. D'accord ? Ça, c'est une autre de leurs caractéristiques. Et ça, il y en a beaucoup de gens qui ont ça, on va en parler plus en détail. Également, parmi leurs caractéristiques, c'est qu'ils ils se révoltent avec les armes, soit l'épée ou les autres moyens qu'ils possèdent comme, armes pour se rebeller contre le dirigeant. Une autre caractéristique, c'est qu'ils appellent les gens à combattre le dirigeant. Ils appellent les musulmans à combattre les dirigeants et à se rebeller contre les dirigeants. Et ils appellent, et ça on l'appelle en arabe khurujun bil badan, c'est-à-dire le fait de sortir contre le dirigeant physiquement, c'est-à-dire avec le corps. Mais parmi les khawarij, il y en a différentes catégories, et parmi ces catégories-là, il y en a une qui est un peu différente, et vous allez voir la description ici. Wa minhum al-qa'adiyya. والقعدية هم الذين يخرجون عن طاعة السلطان بالكلمة ويضمرون الخروج بالسيف ولا يبدون ذلك علانية وإنما يألبون جمهور الناس على السلطان. Parmi les sectes des Khawarij, il y a une des sectes, certains des ulama ont mentionné que c'est la pire d'entre les sectes des Khawarij, comme je vais vous le citer par la suite. Et cette secte qu'on appelle, parmi les Khawarij, qu'on appelle Al-Qa'adiyya, ça vient le verbe Qa'ada yaq'udu, c'est-à-dire le fait d'être assis, de ne pas sortir, de ne pas se rebeller. Mais pourquoi on les appelle comme ça? C'est parce que eux, ces Khawarij-là, ils sortent de l'autorité du dirigeant, mais pas par les armes, uniquement par la parole. Donc eux, qu'est-ce qu'ils font? C'est attiser la haine des musulmans contre le dirigeant, en parlant contre le dirigeant, en mentionnant des péchés du dirigeant, ou en disant des choses contre le dirigeant. Donc ils font le khuruj, ils font la rébellion contre le dirigeant, mais par la parole. Et ils cachent en eux-mêmes leur volonté ou leur intention de se rebeller par les armes. Et ils ne montrent pas ça. C'est-à-dire, ils ne montrent pas ouvertement qu'ils veulent l'épée ou les armes. Et ils incitent les masses contre les dirigeants. Yaqul ibn Hajar al-Qu'ad, yani al-Khawarij, كانوا لا يرون بالحرب بل ينكرون على أمراء الجور حسب الطاقة ويدعون إلى رأيهم ويزينون مع ذلك الخروج ويحسنونه. Donc l'imam Ibn Hajar, Al-Hafiz Ibn Hajar, il mentionne Al-Qa'adiyya, il dit que ce sont des Khawarij et eux, on les voit pas dans la guerre. Ils ne participent pas à la révolte contre le dirigeant. Mais ils condamnent ouvertement le dirigeant selon qu'est-ce qu'ils peuvent, selon ce qu'ils ont comme moyen, ce qu'ils peuvent. Et ils appellent aussi les autres musulmans à leur opinion, à leur point de vue, de critiquer les dirigeants. Et ils embellissent aux gens l'idée de se révolter. Et ils font croire aux gens que ça c'est quelque chose de bon. Donc ils mentionnent aux gens les fautes des dirigeants, puis ils incitent les gens à les détester et à se rebeller contre eux. يقول ويقول ابن حجر القعدية الذين يزينون الخروج على الأئمة ولا يباشرون ذلك. Dans l'introduction du charh Fath al-Bari qu'on appelle Hadj al-Sari, il dit que Al-Qa'adiyya, c'est ceux qui embellissent la rébellion contre les dirigeants, mais ils ne le font pas eux-mêmes. Ils ne le font pas eux-mêmes, ils incitent les autres seulement. Il dit القعدية الذين يهيجون الناس ويزرعون الأحقاد في قلوبهم على ولاة الأمر ويصدرون الفتاوى باستحلال ما حرم الله باسم تغيير المنكر وهم أخبث فرق الخوارج أخبث فرق الخوارج. Donc il dit Al-Qa'adiyya, ce sont ceux qui incitent et attisent les gens, ils les excitent pour se rebeller contre les gens, contre les dirigeants. Et ils sèment la rancœur dans le cœur des gens contre leurs responsables, contre leurs dirigeants, et ils font des fatwas pour rendre halal ce que Allah a interdit, hein, en disant que ça c'est pour changer le mal. Hein. Et c'est les pires des sectes des Khawarij. Et on a vu ça des Khawarij comme ça à notre époque aujourd'hui, qui se permettent tout ce qui est haram au nom de leurs objectifs. Quand ils veulent arriver à un de leurs objectifs, tu vois que parmi les gens qui ont été responsables de certains attentats dans les différents pays, quand on observe la vie de ces gens-là et comment ils ont vécu avant de commettre ces crimes-là, c'était des gens qui montraient des signes de perversité parfois et de péché, de choses qui sont qu'un bon musulman ne peut pas faire. Et ils se permettent de faire ça parce qu'ils disent que ça c'est comme une ruse pour tromper l'ennemi, de faire croire qu'ils ne sont pas religieux, pour que justement les koufars ne les suivent pas, ne les surveillent pas, pour essayer de justifier par la suite que ça c'est une ruse pour arriver à mettre leur plan en exécution, pour faire des attentats terroristes ou des choses de ce genre. D'accord? Donc ça c'est très grave, hein, parce que ces choses-là sont, hein, des choses haram et eux ils les rendent halal. Et ils incitent en même temps les musulmans à la trahison et à rompre les engagements des dirigeants musulmans envers les pays envers lesquels on a des engagements ou des ententes de paix et dans des ententes diplomatique et politique et ainsi de suite. Le cheikh il dit ensuite wa rawa Abu Dawud fi masail al-Imam Ahmad rahimahullah an Abdullah ibn Muhammad as-Sa'if rahimahullah annahu qala qu'ad al-khawarij hum akhbath al-khawarij. Donc il est rapporté, Abu Dawud il rapporte dans son livre Masail al-Imam Ahmad, c'est-à-dire les questions que l'imam Abu Daoud a posées à l'imam Ahmad. C'est un livre célèbre parmi les livres de hadith. Il pose des questions à l'imam Ahmad sur différents sujets. Et dans ce livre, il est rapporté, selon Abdullah ibn Muhammad as-Sa'if, rahimahullah, qu'il a dit, que l'imam Ahmad a dit, les khawarij sont les plus mauvais d'entre les sectes des Khawarij, les plus mauvais, hein, la pire des, la plus sale, la plus mauvaise des sectes des Khawarij. قال العلامة محمد بن عثيمين بل العجب أنه وجه الطعن إلى الرسول صلى الله عليه وسلم قيل له اعدل وقال له هذه قسمة ما أريد بها وجه الله وهذا أكبر دليل على أن الخروج على الإمام يكون بالسيف ويكون بالقول والكلام يعني هذا ما أخذ السيف على الرسول صلى الله عليه وسلم ولكنه أنكر عليه ونحن نعلم علم اليقين بمقتضى طبيعة الحال أنه لا يمكن خروج بالسيف إلا وقد سبقه خروج باللسان والقول والناس لا يمكن أن يأخذوا سيوفهم ويحاربون الإمام بدون شيء يثيرهم لا بد أن يكون هناك شيء يثيرهم وهو الكلام فيكون الخروج على الأئمة بالكلام خروجا حقيقة ودلت عليه السنة ودل عليه الواقع انتهى كلامه من فتاوى العلماء الأكابر. Donc Cheikh Ibn Uthaymeen, il a expliqué cette question. Il a dit que c'est étonnant que les Khawarij ont même attaqué le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui-même. Hein? Et ils ont voulu l'insulter, puisque Dhul Khuwaysira, le premier, on dit c'est lui le père des Khawarij, le premier qui est apparu à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il a dit au messager d'Allah, alors que le prophète sallallahu alayhi wa sallam était en train de distribuer le butin, il a dit, ô Muhammad, sois juste. Alors, il a dit, sois juste, et il a dit, ça c'est une division des biens, une distribution des biens, qui a été faite, mais pas pour le visage d'Allah. C'est-à-dire, il dit au prophète, sallallahu alayhi wa sallam, cette distribution des biens et du butin, c'est pas pour le visage d'Allah qu'elle a été faite. Ça veut dire, premièrement, il accuse le prophète sallallahu alayhi wa sallam d'injustice, parce qu'il lui dit « sois juste ». Puis ensuite, il lui dit « cette distribution du butin, c'était pas pour le visage d'Allah ». C'est-à-dire, il l'accuse de pas être sincère. Ça, c'est grave. Hein? C'est du coffre, il n'y a pas de doute. C'est pour ça que les ulama, ils ont dit que cet homme, Dhul Khuwaysira, il fait partie des munafiqin, partie des hypocrites. Et lorsqu'il a dit ça, le cheikh il dit, cet homme il n'a pas pris l'épée contre le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. Mais il s'est rebellé contre le prophète sallallahu alayhi wa sallam par la parole. C'est-à-dire qu'il n'a pas pris l'épée, mais il a quand même condamné ou critiqué le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et nous on sait très bien que naturellement, les gens ils vont pas sortir tout de suite comme ça avec les armes du premier coup. Sauf que la langue elle a fait le travail au début, en premier. C'est-à-dire que les gens, c'est pas possible qu'ils sortent comme ça, ils prennent leurs épées puis ils décident de combattre le dirigeant du jour au lendemain. C'est pas comme ça que ça arrive. Il faut qu'il y ait quelque chose qui les ait incités à faire ça auparavant. Et ça, c'est par la parole. C'est-à-dire le khuruj, la rébellion par la parole en premier. C'est comme ça que ça commence. Donc la rébellion, elle commence toujours par la parole contre les responsables et contre les dirigeants. Puis ensuite, elle devient une révolte réelle avec les armes par la suite. Et donc ça s'est établi par la sunna et s'est établi également par la réalité de qu'est-ce qu'on constate dans les événements qui se produisent. Et ça c'est mentionné cette parole dans les fatawa des grands ulama. Wa il dit ensuite le cheikh idafatan ila annahum al khawarij annahum yakhrujun bis sayf ala al hakim wa fa aydan la yakhrujun ala al sultan hatta yukaffirunahu وحاشيته وكل من يتعاون معهم وذلك لأنهم يكفرون بالكبيرة من المعاصي قبل أن يخرجوا ويقتلوا. Donc le cheikh il explique que en plus de ça, les Khawarij quand ils se révoltent contre le dirigeant, ils ne se révoltent qu'après avoir déclaré ce dirigeant là mécréant, lui ainsi que ceux qui sont autour de lui, parmi les gens qui l'aident et qui travaillent avec lui. Donc ils font le takfir du dirigeant et de tous ceux qui travaillent avec lui et qui collaborent avec lui ou qui sont sous son service et ainsi de suite. Et la raison de ça, c'est parce qu'ils considèrent que celui qui fait des grands péchés, il est kafir. Et donc ils se révoltent avec lui. Ils le déclarent kafir avant de se révolter contre lui. En ce qui concerne leurs caractéristiques, là on va mentionner quelques-unes de leurs caractéristiques et avec des exemples. Et on va mentionner d'autres exemples de ça plus tard dans les cours qui vont suivre aussi. Amma sifatuhum. فهم عباد نساك ظاهرهم الصلاح والتقوى سيماهم التحليق صغار الأسنان يتكلمون بحديث النبي صلى الله عليه وسلم قال صلى الله عليه وسلم في وصف عبادتهم يحقر أحدكم صلاته مع صلاتهم وصيامهم مع صيامهم ويقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم رواه البخاري. Donc, une de leurs caractéristiques, ou parmi leurs caractéristiques, il y a le fait que ce sont des gens qui parfois ont l'apparence de gens très religieux, des adorateurs, hein, des gens consacrés à l'adoration qui montrent des apparences de piété et de bien. Et une de leurs caractéristiques qui est mentionnée dans le hadith, at-tahliq. At-tahliq, c'est-à-dire ils se rasent la tête. Et ils sont jeunes d'âge. En général, c'est des jeunes. Et ils mentionnent les paroles du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Ils mentionnent les hadiths. Ça, c'est parmi leurs caractéristiques. Et pour montrer l'exemple à ce sujet-là, le cheikh, il mentionne le hadith qui est rapporté par Al-Bukhari, dans lequel le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, en décrivant l'adoration des khawarij, il dit aux sahaba, vous allez mépriser votre adoration, hein, votre salat, vous allez la mépriser. Vous allez mépriser votre salat en voyant leur salat. C'est-à-dire, les sahaba, quand ils voient l'adoration des khawarij, ils méprisent leurs propres adorations. Ils considèrent comme si eux, ils n'ont pas adoré beaucoup comparé aux khawarij. C'est grave. Parce que les sahaba sont, yani, les meilleurs hommes après le prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Puis, quelqu'un qui veut être plus religieux que les sahaba, il y a un problème. Hein? Donc, quand tu vois quelqu'un, quand les sahaba les regardent, ils méprisent. Hein? Ils méprisent leur propre prière à côté de leur prière. Ça veut dire, ça c'est des gens très dévoués dans la pratique religieuse et extrémistes même dans la pratique religieuse. Et il dit donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, si vous voyez leur salat, vous allez mépriser votre salat. Si vous voyez leur jeûne, vous allez mépriser votre jeûne. Et si vous voyez comment ils récitent le Coran, vous allez mépriser votre récitation du Coran. Il dit, ils récitent le Coran, mais ça ne dépasse pas leur clavicule. Hein? Dans d'autres nations, ça ne dépasse pas leur gorge. Pourquoi? Parce qu'ils récitent le Coran, mais ils ne comprennent rien de ce qu'ils lisent. Donc c'est comme si ça va pas dans leur cœur, parce qu'ils comprennent pas, ils n'ont pas la compréhension de la religion. Et parmi leurs caractéristiques, comme c'est mentionné aussi dans le hadith rapporté par Al-Bukhari, su'ila sallallahu alayhi wa sallam qila ma simahum, qala at-tahliq ou qala at-tasbid. Il dit leurs caractéristiques, c'est quoi? C'est qu'ils se rasent, hein? Et aussi التسبيد. التسبيد هو ترك الأدهان. والتحليق يعني قيل الحلق وقيل استئصال الشعر. Donc, une de leurs caractéristiques, c'est qu'ils se rasent. Par exemple, ils rasent leur tête. Et j'ai vu dans certains pays que justement, quand ils savent que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a mentionné qu'une de leurs caractéristiques, c'est que les khawarij se rasent, ils ont commencé à se laisser pousser les cheveux longs. Et j'ai vu dans plusieurs régions en Europe, en France, dans certaines régions, il y avait des groupes comme ça qui apparaissaient avec les cheveux longs. Puis at-tasbid, c'est le fait de mettre de l'huile dans ses cheveux et dans sa barbe. Ils mettent de l'huile dans leurs cheveux et dans leur barbe pour essayer de contredire le fait qu'ils font partie des khawarij, alors qu'on sait que ces frères-là et les gens de ces régions-là, ils savent que ceux-là, c'est des takfirin, c'est des gens de takfir, c'est des gens qui suivent la voie des khawarij, ils font takfir des musulmans. Mais pour essayer de tromper les gens, ou bien pour essayer de s'innocenter, de pas se faire associer aux khawarij, ils veulent montrer que eux ils ont les cheveux longs, hein, qu'ils font pas partie des khawarij, donc ils se laissent pousser les cheveux. Allahul Musta'an. Mais quand tu les vois, tu remarques, même par exemple, je ne sais pas si vous avez vu certains d'entre vous, vous avez vu par exemple des images des gens de Daesh, ou ceux des gens qui font partie du groupe de Daesh, à la télé ou dans des photos sur Internet. Eh bien, vous voyez, en général, ils ont tous des cheveux longs. Hein? En grande partie, c'est des jeunes et ils se laissent tous pousser les cheveux. Donc, ils font exprès, justement, pour se laisser pousser les cheveux, parce qu'ils ne veulent pas se faire associer au Khawarij. Mais, quand tu vois leur croyance et leur position, tu vois tout de suite que c'est clair qu'ils sont des Khawarij. Hein? Même s'ils essaient de se camoufler en se laissant pousser les cheveux. Nasallallahu al-afiyah. Après le cheikh, il dit « Wa qala Abu Ubaid, wa qad yakunu al-amran jami'an » Peut-être que c'est les deux en même temps aussi. Des fois, ils se rasent la tête et ils ne mettent pas d'huile dans leurs cheveux ou dans leur barbe. Des fois, c'est un, des fois, c'est l'autre, ou des fois, c'est les deux ensemble. Et des fois, ils peuvent essayer, comme j'ai dit tout à l'heure, de se camoufler, hein, se laissant pousser les cheveux. Ils vont à l'extrême. Et il dit « وقال أبو عبيد » Alors qu'il s'en l'a dit « وأخرج الفسوي في تاريخه من قول ابن عباس عندما ذهب إلى الخوارج لمناظرتهم قال دخلت على قوم لم أرى قوما قط أشد منهم اجتهادا يعني جباههم يعني قرحت من السجود وأيديهم كأنها ثفن الإبل وعليهم قمص مرحضة. Donc le Abdullah ibn Abbas, quand il est allé pour débattre avec les Khawarij une fois à l'époque de Ali radiyallahu anhu, Ali radiyallahu anhu a vu que les Khawarij se sont réunis à Haroura, donc il a décidé de les combattre. Et Abdullah ibn Abbas a dit, avant de les combattre, laisse-moi au moins aller discuter avec eux pour essayer de les faire réfléchir et de les faire revenir à la sunna. Donc il est parti, Abdullah ibn Abbas. Il a dit, quand il est arrivé dans leur camp, il a dit, j'ai jamais vu des gens qui font plus d'efforts dans l'adoration que ces gens-là. Il dit, leur front était profondément marqué par la prosternation et leurs mains et leurs genoux, il y avait des marques dessus comme les articulations des chameaux, hein, tu vois. Donc c'est comme s'il y a des marques que c'est des gens qui font beaucoup d'adoration, ils tombent sur leurs genoux, sur leurs mains, et yani la prosternation sur leur front, et ainsi de suite. Donc il est c'est des gens que tu voyais même dans leur visage les signes qu'ils passent leur nuit à prier, parce que ils ont dans leurs yeux, tu vois, wujuhuhum min as-sahar, tu vois que leur visage, c'est clair que c'est des gens qui ont passé la nuit à prier, parce que ils ont le signe de en dessous des yeux là, que c'est des gens qui n'ont pas beaucoup dormi. Et il dit, qala anhum an-nabi sallallahu alayhi wa sallam fi wasf asnanihim يأتي في آخر الزمان قوم حدثاء الأسنان سفهاء الأحلام يقولون من قول خير البرية يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية لا يجاوز إيمانهم حناجرهم. Donc pour décrire leur âge et leur attitude, leur réalité, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit à leur sujet, à la fin des temps, il y aura des jeunes, des gens qui vont sortir, qui sont jeunes d'âge. Yani hudatha ul asnan. C'est-à-dire, sin, c'est-à-dire leur âge. Hudatha, c'est-à-dire, c'est des gens qui sont d'un âge jeune, très jeune. Wa sufaha ul ahlam. Yani, c'est des gens qui sont faibles d'esprit, qui rêvent, hein. C'est des gens qui sont des rêveurs, qui sont faibles d'esprit. يَقُولُونَ مِنْ قَوْلِ خَيْرِ الْبَرِيَّةِ Ils disent les meilleures paroles, hein, les paroles du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et ils sortent de l'islam comme la flèche lorsqu'elle est tirée à travers une cible ou une proie, elle la traverse. Hein? Et dans un hadith, il mentionne la description même de cette flèche. Quand elle a traversé la cible, hein, ou l'animal, elle passe à travers tellement rapidement que quand elle sort de l'autre côté, il n'y a aucune trace qu'elle est passée à travers. Aucune trace qu'elle est passée à travers. Tu regardes la pointe, aucune marque de sang, rien. Et tu regardes la plume au bout, il n'y a aucune trace dessus. C'est-à-dire qu'ils sont passés à travers de l'islam tellement rapidement qu'ils n'ont sur eux aucune trace de cet islam. Et ça, c'est souvent le cas chez ces gens-là. Tu les vois, ils rentrent dans la religion, hein, et ils deviennent extrémistes dans la religion après avoir été dans un égarement total. Et ils rentrent, c'est des jeunes, ils n'ont pas de science, ils n'ont pas étudié, ils ne sont pas allés avec les ulama pour apprendre. Puis, ils sortent de l'islam aussi vite qu'ils sont rentrés. Allahul Musta'an. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, leur foi ne va pas descendre plus bas que leur gorge. Hein? Ils ne dépassent pas leur gorge. Donc ça, c'est parmi leurs caractéristiques. Il dit, wa amma min ayna ya'tuna an-nas. En ce qui concerne, de quelle manière ils arrivent à attirer les gens, comment ils arrivent à les ramener vers eux. C'est quoi leur technique? C'est quoi leur méthode pour ramener les gens? Hein, comme les koufars maintenant, ils disent les signes de radicalisation. Comment on fait pour reconnaître des gens qui appellent à la radicalisation? Et allez, comme on a dit, des fois, alhamdoulilah, des gens qui veulent pratiquer leur religion et qui s'accrochent à la sunna. Pour les koufars, ils vont dire ça, c'est des signes de radicalisation, alors que ça n'a pas rapport avec la radicalisation, c'est l'islam. Le problème des khawarij et des gens qui tombent dans l'extrémisme, c'est dans la méthodologie et dans la compréhension des fondements de l'islam, des textes du Coran et de la Sunna. Lorsque quelqu'un il n'a pas une bonne méthodologie, il n'a pas la même méthodologie que les premiers musulmans, les sahaba, il va tomber dans l'extrémisme automatiquement. Hein? C'est obligé. Parce que sa compréhension n'est pas basée sur des principes et sur les règles qui ont été établies par le prophète sallallahu alayhi wa sallam et que les sahaba ont suivi après lui. Donc c'est obligatoire qu'ils vont mal comprendre le Coran et mal comprendre la sunna. Comme ceux qui sont sortis à l'époque de Ali radiallahu anhu. Et quand Abdullah ibn Abbas est allé les voir, il leur a dit, il dit, vous êtes tous là ici, hein, et il n'y en a pas un seul d'entre vous qui est un compagnon du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. C'est-à-dire, il n'y en avait pas un seul d'entre eux qui était avec le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, pendant sa vie. Hein? C'est tous des gens qui sont convertis après. Et ils veulent essayer de montrer ou de donner des leçons de compréhension de religion aux sahaba qui ont été avec le prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Et donc, à notre époque aussi, c'est ça. Tu voulais dire quelque chose? Question, quand tu parlais de ceux qui ne suivent pas la voie des premiers, alors de voir des sahaba, ils vont tomber dans l'extrémisme. L'extrémisme, on parle à la fois du laxisme, puis on parle à la fois de l'exagération. Exactement. Tu dis exactement ce que je pensais, en fait. C'est que l'extrémisme, ça peut être dans un extrême ou dans l'autre. C'est-à-dire tomber dans l'extrême, dans le sens qu'ils vont exagérer et essayer de faire plus que qu'est-ce que Allah a ordonné en tombant dans l'exagération, en ajoutant trop et en dépassant la limite, ou bien tomber dans le laxisme, c'est-à-dire en essayant d'enlever de qu'est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a enseigné, puis de déformer la réalité de la religion et de suivre les passions. Donc c'est un extrême ou l'autre. Et c'est ça ce qu'on constate. Donc, comment ils font pour attirer les gens? Hein? C'est quoi leur méthode? Eh bien, le cheikh il dit: فَإِنَّهُمْ يَأْتُونَ مِنْ بَابِ الْأَمْرِ بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّهِ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ مُحْتَرِقُونَ لِهَذَا الدِّينِ وَأَنَّهُمْ حُمَاتٌ لَهُ وَيُرِيدُونَ صِيَانَتَهُ وَالذَّبَّ عَنْهُ سيأتي معنا إن شاء الله نموذج حقيقية منهم يتضح الأمر بها. Donc comment ils font pour attirer les gens, en particulier les jeunes, c'est qu'ils leur viennent en montrant l'aspect de l'ordonnance du bien et l'interdiction du mal. Et de vouloir condamner l'injustice, et de défendre la justice, de vouloir défendre le bien, et de vouloir interdire la corruption et le mal, hein, et les péchés, et ainsi de suite. Donc ils veulent montrer qu'ils brûlent pour cette religion, qu'ils en sont les grands défenseurs, et qu'ils veulent la défendre et la protéger, la propager. Et on verra que, Inch'Allah, on va voir des exemples réels de ça dans qu'est-ce qu'ils ont fait qui montre et qui clarifie cet aspect-là. Donc il dit فَإِذَا تَظَاهَرُوا بِأَنَّهُمْ أَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنْكَرِ وَرَأَى ذَلِكَ النَّاسُ مِنْهُمْ يعني فَمَاذَا عَسَى أَنْ يَكُونَ رُدُودَ الْفِعْلِ مِنْ جُمْهُورِ الْأُمَّةِ في الظاهر أنهم سيقرونهم ويتفاعلون معهم ويؤيدونهم بل سيقفون إلى جوارهم لمساعدتهم ومساندتهم لأن الظاهر هو نصرة الدين والفطرة السليمة تدعو إلى ذلك. Donc si ces gens-là montrent qu'ils veulent ordonner le bien, qu'ils veulent interdire le mal, et souvent vous les entendez, ils ont des discours très très émotifs dans ces questions-là. Et surtout quand il y a des injustices qui se passent dans certains pays musulmans, hein, eh bien là, ils vont en profiter. Puis ils vont dire, par exemple, regardez qu'est-ce qui arrive à nos frères, regardez qu'est-ce qui arrive à nos sœurs, regardez les injustices, regardez ci, regardez ça, et nous, qu'est-ce qu'on fait? Et toi, qu'est-ce que tu fais, mon frère? Hein? Il faut faire quelque chose. Donc nous, on fait ça, on veut agir. Ils montrent qu'ils ont... Hein, le sang qui bouille là pour la Ummah. Et ils veulent montrer qu'ils veulent leur donner le bien, interdire le mal. Donc qu'est-ce qui arrive quand les gens voient l'attitude de ces gens-là qui parlent de cette façon-là? C'est quoi la réaction des masses de musulmans dans la Ummah? C'est que, ah ben ces gens-là, en apparence, ils veulent le bien. Donc ils vont les supporter, ou bien ils vont être d'accord avec eux, ils vont les supporter, ils vont se tenir avec eux et essayer de les aider. Parce qu'en apparence, ils montrent qu'ils veulent défendre la religion. Et la nature saine, hein, quand elle voit ça, elle veut suivre ça. Elle veut faire ça aussi. Hein, c'est normal. Mais ça, c'est juste, en réalité, en apparence. Parce qu'en réalité, l'ordonnance du bien et l'interdiction du mal, il y a des règles, il y a des principes, il y a des conditions. C'est pas n'importe comment. Hein? Des fois, il y a des gens, ils pensent qu'ils ordonnent le bien, ils pensent qu'ils interdisent le mal, alors qu'en réalité, ils sont en train de créer plus de mal que le mal qu'ils veulent interdire. Ils ne réalisent pas ça. Hein? Donc, il faut toujours penser aux conséquences de nos œuvres, et pas juste qu'est-ce qu'on pense en apparence qui semble être correct. Et donc, il dit ensuite, فَإِذَا مَا كَانَ الْأَمْرُ كَذَلِكَ فَإِنَّ كُلَّ مُسْلِمْ غَيُورٌ سَيَقِفُ مَعَ كُلِّ مَنْ يَتَبَنَّ الْأَمْرُ. Regardez qu'est-ce qui s'est passé en Algérie, par exemple. À l'époque, dans les années 90, quand il y avait le Front islamique du salut, le FIS en Algérie. Eh bien, les gens de ce parti, ils voulaient montrer que c'était eux qui étaient pour la justice, et qui voulaient montrer qu'ils étaient contre le gouvernement, que le gouvernement était injuste, hein, et que c'est eux qui allaient rétablir la justice avec l'islam. Et donc ils critiquaient le dirigeant en public, et sur le mimbar, et dans les assemblées, et ils nous disaient, le gouvernement il a fait ça, le gouvernement il a fait ça, le président il a fait ça, et ils commencent à attiser la masse, ils commencent à les chauffer, ils commencent à augmenter et accroître la haine et l'insatisfaction et la colère de la masse contre les responsables et contre le dirigeant. Et le résultat, des centaines de milliers de morts parmi des musulmans des hommes, des femmes et des enfants et des vieillards égorgés et tués et massacrés. Tout ça au nom de l'islam. Hein? Donc c'est facile de dire, hein? L'islam, l'amr bil ma'ruf, al-nahy anil munkar, al-jihad et tout et tout et tout. Puis tu ne penses pas aux conséquences, tu ne penses pas à la réalité, tu ne penses pas aux règles, tu ne penses pas aux conditions, tu ne penses pas aux principes. C'est juste des paroles, hein, émotives et vides de sens. Puis le résultat, la conclusion, c'est quoi? Le sang des innocents qui coule dans les rues comme des rivières. Et pour eux, la vie des musulmans, elle n'a pas plus de valeur que la vie d'une fourmi ou d'une mouche. C'est-à-dire les Khawarij n'ont aucune hein? Ils disent qu'ils ont un sentiment pour la vie des musulmans. Ils disent, nos frères qui meurent et tout. Mais ça ne lui dérange pas de prendre une bombe puis d'aller se faire sauter en plein marché et de tuer des milliers de musulmans, hein? Des centaines de musulmans avec lui. Comment tu pleures pour la vie de tes frères, tu dis qu'ils sont en train de se faire tuer, puis toi-même tu t'en vas en plein milieu d'une masse de monde qui sont musulmans, même des gens qui sont en train de faire la salat, et tu te fais sauter en plein milieu, puis tu prétends que tu veux sauver les musulmans. Comment tu veux les sauver alors que tu es en train de les tuer? Donc ça ne fait pas de sens. Et donc, il dit ensuite le cheikh, donc il c'est comme ça qu'il trompe beaucoup de gens, hein, en montrant qu'ils ont l'intérêt. Il dit, فَهَدِي عَلَامَاتِ هذه العلامات عرفت بالاستقراء والصبر لأحوالهم في هذا العصر وغيره. Donc ça c'est quelques caractéristiques et des signes qu'on a vus en lisant et en voyant qu'est-ce qu'ils font, hein, à notre époque et dans d'autres époques aussi. Parmi leurs caractéristiques aussi, as-sirriya. C'est des gens qui procèdent par de méthodes, si on veut, secrètes, dans le secret. C'est-à-dire, ils procèdent par des méthodes cachées, ils se cachent. Hein? Ils ne veulent pas se faire voir. Ils ne veulent pas se faire voir et ils se réunissent en cachette, pas dans les mosquées. C'est rare que tu vas voir des khawarij qui font leur réunion pour appeler à leur voix dans les mosquées. Devant tout le monde. C'est très rare qu'ils vont faire ça. Ils ne vont jamais faire ça même. Hein? Moi, ça fait... Depuis 91, je suis converti à l'islam. Eh bien, depuis 91, je n'ai jamais vu dans une mosquée un khariji qui appelle ouvertement à faire le takfir des dirigeants, puis à faire le takfir des musulmans, puis à appeler à ces choses-là. Jamais. Mais j'ai vu plein d'entre eux, des groupes, des petits groupes d'individus qui s'assoient avec deux, trois dans un coin, puis commencent à leur parler et essayer de leur faire comprendre leurs principes. Ou bien ils se réunissent chez un frère, ils font de la nourriture et ils invitent quelqu'un, ou deux ou trois, puis ils commencent à essayer de le convaincre que leur position c'est correcte. Hein? Chez un tel, ou chez un autre, ou chez un autre. Mais pas dans des endroits publics, devant tout le monde. Ils ne vont pas faire ça. Parce qu'ils savent très bien que ces idées-là, ce ne sont pas des idées qui vont passer. Et que les gens sont pas naïfs au point qu'ils vont accepter que des gens appellent à ces choses-là ouvertement. Et l'exemple de ça, il dit, وَتَرَاهُمْ يَنْدَسُونَ بِكَلَامِهِمْ وَاجْتِمَاعَتِهِمْ وَيَخْتَفُونَ عَنْ أَنْظَارِ النَّاسِ الَّذِينَ لَيْسُوا عَلَى طَرِيقَتِهِمْ وذلك في منتدياتهم ومجالسهم التي يكون تارة في الخلاء البر وتارة في الاستراحات حتى يبعد الشك والتهمة عنهم ويبتعد عن أنظار الناس في الكهوف والمغارات ويسمون هذه الجلسات السرية مجالس علمية زعموا. Donc parmi leurs caractéristiques, c'est qu'ils essaient de faire ils propagent leurs paroles, mais en sous-marin, comme on dit, hein? En sourdine, en cachette. Et donc ils se cachent des gens, et surtout, bien entendu, les gens qui ne sont pas avec eux, dans leurs idées, dans leur voix. Et ils se réunissent dans des endroits éloignés ou à l'extérieur. Par exemple, ils vont faire des sorties en campagne, ou bien ils vont faire ils disent on va faire des pique-niques ou des barbecues, ou bien ils se réunissent, des fois ils ont des camps d'été pour les jeunes, où ils les amènent aussi, même des fois c'est des... En tout cas, même les Ikhwan, ils ont utilisé différentes méthodes, comme les scouts, par exemple, les scouts musulmans. Ils ont utilisé même ces méthodes-là pour enrôler les jeunes à la mouvance des Ikhwan. Et puis, peut-être que vous êtes au courant, ou peut-être que vous ne l'êtes pas, mais chez les Ikhwan, il y avait le groupe apparent de Ikhwan Muslimoun, puis il y avait la cellule, disons la cellule secrète des Ikhwan, qui eux étaient chargés de faire certains attentats terroristes et de faire des assassinats et des choses comme ça, mais eux ils étaient pas ils étaient une cellule disons secrète des Ikhwan, et on leur disait si vous vous faites attraper ou si on vous attrape, dites pas que vous êtes des membres des frères musulmans. Donc c'est comme si ils se renient les uns les autres alors qu'ils sont ensemble. Et un des gens qui était justement dans cette cellule-là, il a écrit un livre pour démasquer en fait et montrer la réalité de cette cellule-là. Il s'appelle Al-Ashmawi. Et le titre du livre, j'ai oublié, mais je vous le ramènerai demain, Inch'Allah, bien plus tard. Donc, ils ont des activités qu'ils font. Et ça, j'ai remarqué même parfois dans les associations étudiantes des universités. Dans les pays non musulmans, dans les pays musulmans, ils organisent des activités. Ils disent on va jouer au soccer, on va faire un pique-nique, on va faire un barbecue. Et c'est dans ces événements-là qu'ils en profitent pour attirer un ou deux ou trois à leur groupe et les faire rentrer dans leur tendance. Parce que dans les mosquées, hein, des fois c'est un peu trop compliqué, mais quand ils sont à l'écart comme ça dans des activités où ils sont en train de s'amuser, hein, là ils en profitent comme ça pour attirer les jeunes dans leur tendance, et ils commencent à leur faire comprendre que il faut insulter les dirigeants, il faut parler contre les hukam, hein, il faut parler contre ceux qui sont au pouvoir dans les pays musulmans. Ils commencent à les mettre en garde contre les ulama, les gens d'Ahlus Sunnah, les ulama de la Sunnah, ceux qui suivent la voie des salafs. Et ils les appellent à écouter certains de leurs prêcheurs ou certains de leurs idéologues ou de ceux qui appellent à leurs idées. Donc ça, c'est parmi leurs techniques. Et ils prétendent que ça, c'est des... Parfois, ils appellent ça des halakat ou bien des majalis, ilm. Donc ils disent, on va faire des halakat. Hein? Et puis en réalité, c'est juste des moyens de se rassembler pour amener les jeunes à leurs idées. Et il dit wa yaqulu al khalifa al umawi al adil amir al mu'minin Umar ibn Abd al Aziz rahimahullah wa radiya anhu idha ra'aytum al khassa yantijun aw yatanajawun fi amr al amma fa'lam annahum ala ta'sif dalalah. C'est une des paroles qui est rapportée par Omar ibn Abdul Aziz, le khalifa. Et c'est un khalifa qui était pieux, hein, qui était un homme très pieux et qui aimait le ilm et les ulama. Et un des descendants de Omar ibn al-Khattab, radiallahu anhu. Il dit que si vous voyez des gens qui se réunissent en privé pour parler et qui se disent des choses qui diffère de ce qu'on dit aux musulmans en général, alors sachez que ces gens-là, ils sont en train d'essayer d'établir un égarement. Wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Donc des gens qui se réunissent dans le but de parler en secret, pour parler en secret de choses qu'ils ne veulent pas que les autres musulmans entendent. Il dit فإذا كانوا يجلسون ويجتمعون من أجل العلم والفائدة فلماذا لا يسمح لغيره لغير من لم يكن على طريقتهم بالجلوس معهم والدخول إلى منتدياتهم وإلا فدور العلم المساجد. Donc ici le cheikh il dit, donc si ce qu'ils veulent c'est s'asseoir pour se réunir dans le but d'apprendre la science de l'islam et profiter. Pourquoi ils ne permettent pas à d'autres qui ne sont pas avec eux, dans leur voie, de pouvoir s'asseoir avec eux et d'entrer dans leur lieu de réunion, excepté que parce qu'ils veulent justement appeler à leurs égarements. Et sinon, la place pour enseigner la science, c'est les mosquées. C'est dans les mosquées qu'on doit se réunir pour enseigner la science, pour que tout le monde puisse profiter parmi les musulmans, les jeunes, les vieux, les gens du commun parmi les musulmans et les toulab al-ilm, tout le monde peut profiter. Et quand les ulama de l'islam donnent des cours dans la mosquée et ils enseignent l'islam aux gens, ils enseignent à tout le monde, pas une catégorie en particulier, hein, pour que tout le monde profite. Et le cheikh dit al-khawarij nusakun ubad wa laysu ashab fisq wa mujun. الخوارج حدثاء أسنان سفهاء أحلام ليسوا بعلماء الخوارج يستخفون عن الناس ويختفون عن الأنظار ولا يظهرون أنفسهم كالخفافيش الخوارج يظهرون الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر حتى يستميلوا قلوب الناس. Donc les خوارج, comme on a dit, c'est des gens, ils montrent l'aspect religieux, ils veulent se montrer adorateurs. Et ils veulent montrer qu'ils ne sont pas des pervers ou des gens de perversité. Les Khawarij, comme on a dit, parmi leurs caractéristiques, c'est des gens, sont, en général, c'est des jeunes. Et c'est des gens qui sont faibles d'esprit et rêveurs. Et ils ne sont pas des ulama. Pas de ulama parmi eux. Hein? Et des fois, par exemple, tu vas voir parfois, peut-être dans certains endroits, des gens qui sont plus âgés, qui sont parmi eux, c'est parce qu'ils sont rentrés avec les Khawarij quand ils étaient jeunes. Et ils sont restés sur cette voie d'égarement. Wal'iyadu billah. Mais sinon, la règle, en général, c'est des jeunes. Hein, parce qu'ils n'ont pas les bases et les principes nécessaires pour être capables de se préserver, hein, avec le savoir de l'islam, pour se préserver des shubuhat et des ambiguïtés et des doutes que ces gens-là propagent. Également, parmi leurs caractéristiques, ils se cachent des gens, ils se cachent des regards, et ils ne laissent pas paraître leur vraie position. Ce n'est pas des gens qui vont montrer ouvertement. Des fois, qu'est-ce qu'ils font aussi avec l'Internet? C'est qu'ils vont se réunir sur des forums sur Internet où ils vont débattre entre eux ou bien discuter entre eux, puis propager leurs idéologies de takfir et les idées des khawarij sur leur forum. Mais ils ne vont pas venir devant les gens, face à face, pour dire ouvertement ce qu'ils pensent. Hein? La plupart, c'est des lâches. C'est des gens très, très peureux. Mais quand ils sont derrière l'écran, ils ont des pseudos et ils disent là n'importe quoi à ce moment-là. Hein? Ils font le takfir, ils insultent, ils disent n'importe quoi parce qu'ils se sentent en sécurité derrière leurs écrans d'ordinateur. Mais en réalité, quand ils sont face à face, ils n'osent pas, en général, dire ce qu'ils pensent réellement. Même que parfois, ils disent le contraire de ce qu'ils pensent quand ils sont devant les gens. Puis quand ils sont en cachette ou en privé, là, ils disent ouvertement ce qu'ils pensent des autres. Al-Khawarij yudhiruna al-amr bil-ma'ruf wa-nahy 'an al-munkar hatta yastamilu qulub an-nas. Ils laissent montrer qu'eux, ils veulent leur donner le bien et interdire le mal. Hein? Pour essayer de faire pencher les cœurs des gens vers eux et les attirer. Al-Khawarij yad'un an-nusus fi ghayri mawadi'iha. Les Khawarij, ils utilisent les textes en dehors de leur contexte réel. Hein? Et ils les déforment de leur vrai sens. Al-Khawarij lam yaltaqu al-'ilm 'an al-'ulama wa innama i'tamadu 'ala fahmihim al-qasir wa ma yaquluhu lahum zu'ama'uhum al-juhhal. Donc il dit que les Khawarij, ils n'ont pas recherché la science auprès des ulama de l'islam, mais ils se sont uniquement basés sur leur propre compréhension limitée et sur ce que leur tête, hein, parmi les ignorants, leur ont enseigné ou leur ont raconté. Al-Khawarij ya'khuduna bil-mutashabih min al-ayat wa al-ahadith wa yatrukuna al-muhkam kama hiya tariqatu ahl az-Zayr. Une des caractéristiques des Khawarij, c'est qu'ils ne se basent pas sur ce qui est explicite et sans équivoque des textes du Coran et de la Sunna. Plutôt, ils cherchent expressément, et en particulier les versets et les hadiths, qui peuvent avoir multiples interprétations. Hein? Ce que Allah subhanahu wa ta'ala mentionne dans Surat Al-Imran, le verset 7, Al-Mutashabihat, les versets qui peuvent être interprétés de différentes manières. Eux, ils font exprès d'aller vers ces versets-là pour créer la fitna et pour les déformer de leur sens et pour induire en erreur les gens qu'ils veulent attirer. Puis les versets qui sont clairs et explicites et qui sont sans équivoque, qui ne peuvent être compris que d'une façon, ils les laissent de côté, ils ne les utilisent pas. Donc ça, c'est le danger, hein, d'utiliser justement les textes qui peuvent être compris de différentes façons. Il dit, فَإِذَا عَرَفْتَ ذَلِكَ عَنْهُمْ فَهَذِهِ بَعْضُ النَّمُوذَجَ الَّتِي تَكْشِفُ الْغُبَارَ وَتُوَضِّحُ الْأَمْرَ حَتَّى لَا يَغْتَرُّ بِهِمْ أَحَدٌ. Donc, si tu as connu ça et tu as su ça maintenant, voici quelques exemples qui vont dévoiler certaines de leurs réalités et clarifier la chose pour que personne ne soit trompé. Et c'est très intéressant dans ce livre-là parce que il rapporte des exemples des Khawarij, des premiers Khawarij qui sont apparus et qu'est-ce qu'ils ont fait. Hein, contre les Sahaba. Quand tu vois comment ils ont agi à l'époque des Sahaba et comment ils ont parlé à l'époque des Sahaba, et même à l'époque du Prophète, tu vois que ceux d'aujourd'hui, c'est exactement la même idéologie et le même manhaj que ceux d'avant. Il n'y a pas de différence. Même que peut-être que ceux d'aujourd'hui sont même pires, hein, plus égarés même que les premiers. Donc, par exemple, il dit, وَأَخْرَجَ الْبُخَارِ وَغَيْرُهُ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ بَيْنَمَا نَحْنُ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ وَهُوَ يُقْسِمُ قَسْمًا أَتَاهُ ذُو الْخُوَيْسِرَةِ وَهُوَ رَجُلٌ مِنْ بَنِي تَمِيمٍ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ اعْدِلْ فَقَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ وَيْلَكَ ومن يعدل إذا لم أعدل. هذا الرجل يعتبر أول من تجرأ في الإسلام على ولي أمر المسلمين، وهنا تجرأ على سيد ولد آدم صلى الله عليه وسلم، وما فعل ذلك إلا أنه رأى أنه لزاما عليه أن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر. Donc ici le cheikh, il rapporte un hadith qui est rapporté par Al-Bukhari. On a lu une partie de ce hadith tout à l'heure. Et d'autres également l'ont rapporté selon Abu Sa'id al-Khudri, radiyallahu anhu, dans lequel il dit, lorsque nous étions avec le messager d'Allah, alors qu'il était en train de distribuer le butin, que est apparu Dhul Khuwaysira. Et pour vous expliquer un petit peu le contexte de cet événement-là, c'est que le prophète sallallahu alayhi wa sallam est en train de distribuer le butin, d'accord, aux gens. Et parfois le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il donne à certains, et à certains qui sont plus méritants, il ne donne rien. Mais il donne à certains qui, par exemple, parmi les mouchriquins ou parmi les gens qui viennent juste de se convertir, ou des gens qui ne sont pas convertis mais qui sont proches de l'islam, qui ont envie de se convertir, pour les inciter. Donc il va leur donner du butin ou quelque chose comme ça. Et lui, Dhul Khuwaysira, il a vu ça, il n'a pas compris la sagesse derrière. Et donc qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, oh messager d'Allah, hein, c'était un homme de Banu Tamim qui s'appelait Dhul Khuwaysira. Il a dit, ô messager d'Allah, sois juste. Alors le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, lui a dit, malheur à toi. Hein? Si moi je ne suis pas juste, qui sera juste? Si moi je ne suis pas juste, qui sera juste? Hein? C'est le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. Dans une autre narration, il dit, يعني ألا تأمنني ويأمنني من في السماء؟ Est-ce que tu vas pas me faire confiance? Tu vas pas croire que je suis quelqu'un d'honnête alors que Allah qui est yani dans les cieux, il me fait confiance pour sa révélation. Hein? Et donc, cet homme, il est considéré le premier qui a osé parler contre le dirigeant, un dirigeant musulman dans l'islam. Et contre le meilleur des hommes, le meilleur des fils d'Adam, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et la raison pour laquelle il a fait ça, selon lui, c'était uniquement pour montrer qu'il voulait ordonner le bien et interdire le mal, et que c'était obligatoire pour lui de dire la vérité, selon son point de vue à lui. Hein? Allah al-musta'an. Et tu vois que ceux qui l'ont suivi aujourd'hui, quand ils agissent de la même manière. Un autre exemple qui est mentionné, أخرج الطبري في تاريخه عن عامر بن سعد قال كان أول من اجترأ على عثمان بن عفان بالمنطق السيء جبل بن عمرو الساعدي مر به عثمان وهو جالس في ندي قومه وفي يد جلب بن عمرو جامعة فلما مر عثمان سلم فرد القوم فقال جبله لما تردون على رجل فعل كذا وكذا قال ثم أقبل على عثمان فقال والله لأطرحن هذه الجامعة في عنقك أو لتتركن بطانتك هذه فقال عثمان أي بطانة فوالله إني لأتخير الناس فقال مروان تخيرته ومعاوية تخيرته وعبد الله بن عامر ابن كريز تخيرته قال فانصرف عثمان فما زال الناس متجرئين عليه إلى هذا اليوم انتهى كلامه. Ça c'est grave. L'histoire qui est apportée dans le tarikh de l'imam al-Tabari, le volume 2, la page 661. Selon Amir ibn Sa'd, il dit que le premier qui a osé parler de manière déplacée et sans respect à Uthman ibn Affan, radiyallahu anhu, le troisième des khulafa al-Rashidin, c'est un homme qui s'appelait Jalaba ibn Amr al-Sa'idi. Uthman est passé près de lui alors qu'il était assis avec des gens de sa tribu, ou bien des gens de ses amis. Et Jabala, il avait dans sa main un carcan. Vous connaissez le carcan, qu'est-ce que c'est? On le mentionne dans le Coran, Al-Ghul, Al-Aghlal. إِذِ الْأَغْلَالُ فِي أَعْنَاقِهِمْ وَالسَّلَاسِلُ يُسْحَبُونَ. Allah subhanahu wa ta'ala, il mentionne les carcans dans le Coran, pour les gens de l'enfer. Et donc, on l'appelle aussi en arabe Jami'a. Et donc, il avait un carcan dans ses mains. Alors, il a vu Uthman passer, il était assis avec des gens. Il a vu Uthman passer et Uthman a donné le salam. Et les gens qui étaient avec Jabala, ils ont répondu le salam à Uthman. Alors, lui, il a dit, pourquoi vous renvoyez le salam, pourquoi vous répondez au salam de quelqu'un qui a fait telle chose? Il commence à reprocher des choses à Uthman ibn Affan, radiyallahu anhu. Donc, il le blâme, il blâme les gens qui sont avec lui. Pourquoi vous lui répondez à son salam? Et puis après, il s'est tourné vers Uthman, il s'est dirigé vers Uthman, puis il a dit, par Allah, je vais te mettre ce carcan dans ton cou, ou bien tu vas abandonner les gens avec qui tu es proche, parmi tes conseillers. Alors Uthman, il a dit, quel conseiller proche, par Allah, j'ai choisi les meilleures personnes. Et il a dit, et Marwan, tu l'as choisi? Et Muawiyah, tu l'as choisi? Et Abdullah ibn Amir ibn Quraysh, tu l'as choisi? Alors Othman, il s'est tourné et les gens ont continué à être effrontés ou à essayer de parler contre lui depuis ce moment-là. Et c'est ce qui a amené par la suite les Khawarij à se réunir à Médine puis à l'assassiner par la suite. Il a été tué à cause de ces gens-là. Hein? Parce qu'ils ont, osé parler et se révolter contre Othman ibn Affan radiallahu anhu. Hein? Alors que vous allez voir plus tard les mérites de Othman. Qui c'était Othman? Donc, vous voyez que les Khawarij aujourd'hui, quand ils parlent des dirigeants, c'est pas seulement hein, parce que c'est aujourd'hui, même à l'époque, des meilleurs parmi les hommes qui nous dirigeaient, les Sahaba, même parmi les Ashra al-Mubashirin bil-Jannah, hein, parmi les 10 qui ont été promis au paradis, ils osaient parler comme ça. Et ils osaient agir comme ça avec eux. Donc s'ils agissaient comme ça avec eux, qui peut être épargné? Personne. Hein? Un autre exemple qui est mentionné aussi dans At-Tarikh de At-Tabari, selon Abi Habiba, il a dit « خطب عثمان الناس فقام إليه جهجاه الغفاري فصاح يا عثمان ألا إن هذه شارف قد جئنا بها عليها عباءة وجامعة فانزل فلندرعنك فلندرعك العباءة ولنطرحنك في الجامعة ولنحملك على الشارف ثم نطرحك في جبل الدخان فقال عثمان قبحك الله وقبح ما جئت به. Une autre narration, un exemple comme ça aussi, que Othman il s'est adressé aux gens, il leur a fait un serment, puis un parmi ses cervelets, qui s'appelait Jahjah ibn al-Ghifari, il a commencé à crier « Oh Othman, on a amené une vieille chamelle pour toi, et dessus il y a une robe et il y a un carquin. Descends, on va te mettre cette robe, puis on va te mettre ce carquin, puis on va t'amener sur cette chamelle, puis on va te jeter sur la montagne de Dukhan. » Comme ça, il parle à Uthman ibn Affan radiallahu anhu. Alors il a dit, Uthman radiallahu anhu, il a dit que Allah te maudisse et maudisse ce avec quoi tu es venu. Et donc ça, c'est des exemples. Donc il dit, le Cheikh al-Khawarij yudhirun إثارهم الآخرة على الدنيا وأنهم يعني يبيعون حياتهم وأنفسهم رخيصة لله في سبيل تحقيق مذهبهم وهم الذين لا يترددون في الاستيلاء على ممتلكات أي مسلم إذا خالف مذهبهم. Parmi les caractéristiques des Khawarij, c'est qu'ils veulent montrer qu'ils préfèrent l'au-delà à la vie d'ici-bas. Et qu'ils vendent leur vie et leur personne à un bas prix hein, pour Allah dans le but de réaliser leurs objectifs et leurs voies. Et c'est des gens qui n'ont aucune hésitation de prendre les biens de n'importe quel musulman qui est en contradiction avec eux. Donc, n'importe quel musulman qui n'est pas d'accord avec leurs principes ou leurs règles, ils considèrent qu'ils peuvent le tuer, ils peuvent prendre ce qui lui appartient, parce que pour eux, c'est un kafir, hein, il n'est pas musulman. Allah al-musta'an. Wa akhraj al-Tabari fi tarikhihi. Et vous me dites quand je dois m'arrêter, hein, parce que je ne sais pas les heures ici, donc, pour que je ne dépasse pas le temps. Le temps il passe vite et puis moi je réalise pas en fait quand j'avance là que ça fait combien de temps j'ai parlé. Donc il dit أخرج الطبري عن عبد الملك ابن أبي حرة قال لقيت الخوارج بعضها بعضا فاجتمعوا في منزل عبد الله ابن وهب الراسبي فحمد الله عبد الله بن وهب وأثنى عليه ثم قال أما بعد فوالله ما ينبغي لقوم يؤمنون بالرحمن وينيبون إلى حكم الله القرآن أن تكون هذه الدنيا التي الرضا بها والركون بها والإيثار إياها عناء وتبار آثر عندهم من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والقول بالحق وإن من وإن من وضر فإنه من يمن ويضر في هذه الدنيا فإن ثوابه يوم القيامة رضوان الله والخلود في جناته إلى آخره. Par exemple, donc il y a un exemple comment ces gens-là ils parlaient. Hein? Quand tu vois leur discours, tu vois que c'est des gens, ils montrent qu'ils n'ont aucun intérêt dans cette vie d'ici-bas et qu'ils veulent tout sacrifier pour leur vie de l'au-delà et que c'est ça leur combat. Et ils sont prêts à tout pour dire la vérité, pour ordonner le bien, pour interdire le mal. En résumé, c'est ça ce qu'ils disent. Hein? Et un exemple aussi, Hurqus ibn Zuhair. Donc le premier c'était Abdullah ibn Wahb al-Rasibi, une des têtes des Khawarij. Hurqus ibn Zuhair, une autre parmi les têtes des Khawarij. Il dit "Inna al-mata' bi hadhihi ad-dunya qalil wa inna al-firaq laha washik fala tad'uwannaka zinataha ila al-maqami biha wa la talfitannakum an talab al-haqq wa inkar adh-dhulm فإن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. Tu vois comment il parle? Il dit la vie d'ici-bas c'est une jouissance, peu de jouissance, hein? Et il faut s'en séparer et ne vous laissez pas tenter par sa beauté de vouloir rester dedans et qu'elle ne vous fasse pas vous détourner de chercher la vérité et de condamner l'injustice parce que Allah est avec ceux qui sont pieux et qui sont bienfaisants. Donc, tu vois des paroles comme ça, hein, c'est des gens qui veulent montrer qu'ils ont, ils ont pas peur de la mort, ils aiment, hein, ils aiment pas la vie d'ici-bas, ils pensent qu'à l'au-delà, ils vivent que pour l'au-delà. Ça, c'est, il y a plein d'exemples comme ça, il y en a d'autres, mais on va pas tout lire chaque exemple. Il dit, wa yaqul Ali ibn Abi Talib fi wasf al-Khawarij laysu bi qurra'in lil-Qur'an wala fuqaha fi al-din ولا علماء في التأويل ولا لهذا الأمر بأهل سابقة في الإسلام والله لو ولوا عليكم لعملوا فيكم بأعمال كسرى وهرقل انتهى كلامه في تاريخ الطبري. Qu'est-ce qu'il dit Ali à propos des Khawarij? Il dit c'est pas des gens qui récitent le Coran avec science, hein, ils n'ont pas de compréhension dans la religion. Ce ne sont pas des ulama, ce ne sont pas des savants dans l'interprétation du Coran. Et ils n'ont pas de précédence dans l'islam. C'est-à-dire, ce ne sont pas des gens qui ont précédé les autres dans l'islam. Il dit par Allah, si l'un d'entre eux avait le pouvoir sur vous, prenait le pouvoir sur vous, ils auraient fait avec vous les mêmes choses que Kisra et Héraclès. Kisra, c'est qui? C'était le roi de la Perse à l'époque. Et Héraclès, c'était le roi des Romains, hein, de la région. Vers Écart, ok, ouais, c'est ça. Ok, d'accord. Dans 3 minutes, 2-3 minutes, Inch'Allah. Donc, la réalité, c'est ce qu'on a vu. On a vu les Khawarij, qu'est-ce qu'ils ont fait il n'y a pas longtemps en Irak, en Syrie. Et quand ils ont eu le pouvoir, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont fait des choses à des musulmans, même Kisra et Héraclès, ils font pas. Ils auraient peut-être même pas fait ça. Hein? Même des koufars, ils vont pas faire. Qu'est-ce que ces gens-là ont fait à des musulmans? Allahu al-musta'an. Hein? Donc c'est qu'est-ce que Ali radiallahu anhu il mentionne à leur sujet ici, ça rentre exactement dans la description de ces gens-là. فَإِذَا قَارَنْتَ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ خَوَارِجِ زَمَانِنَا فَالْحَالُ وَاحِدَ وَالْوَصْفُ مُطَابِقُ Subhanallah. Il dit si tu compares avec les Khawarij de l'époque et ceux d'aujourd'hui, qu'est-ce que Ali il a dit maintenant? C'est la même chose. C'est une description qui correspond exactement à ce qu'il a dit, subhanallah. Donc, et c'est bizarre, c'est vrai. C'était une époque lointaine par rapport à notre époque, mais la réalité, c'est la même. Il n'y a pas de différence. Il dit, فالخوارج بداية شرهم زرع العداوة والبغضاء في قلوب الرعية على السلطان وتحريش العامة على ولاة الأمور وذلك عندهم باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والغيرة على الدين وإظهار الحق وعدم السكوت عن المنكر والضلال بزعمهم ثم نهايتهم يقتلون أهل الإسلام ويتركون أهل الأوثان ولو استعرضنا أفعالهم عبر التاريخ لوجدنا أن نواتهم بدأت من ذي الخويصرة الذي وقف في وجه النبي صلى الله عليه وسلم كما تقدم معنا. Donc, qu'est-ce qu'il explique? Le cheikh dit que les Khawarij, leur début, le début de leur mal, c'est d'avoir semé la haine et l'animosité dans le cœur de la population contre leurs dirigeants. Et de vouloir inciter le commun des musulmans contre leurs responsables, contre les dirigeants. Et ça, pour eux, ça fait partie de la question d'ordonner le bien et d'interdire le mal. Comme si pour eux, là, c'est ça. Et tu vois, tu les vois dans tous les pays, hein? En Europe, dans les pays du Maghreb, dans les pays de l'Afrique de l'Ouest, dans les pays du Moyen-Orient, dans les pays d'Asie. Partout où tu vas, tu trouves les Khawarij, c'est ça leur manhaj, c'est ça leur méthodologie. Partout où tu les trouves, c'est toujours la même chose. Et des fois, tu rencontres des musulmans que tu ne connais pas, c'est-à-dire des gens que tu les as jamais vus auparavant. Et quand tu commences à discuter avec eux, et là, ils commencent à parler un petit peu de politique, tout de suite, ils commencent avec critique des dirigeants, attaque des dirigeants, insulte des dirigeants, et ainsi de suite. Parce qu'il y a beaucoup de musulmans, même si à la base, ils ne sont pas des Khawarij, c'est des musulmans ordinaires, du commun. Ils n'ont pas étudié, ils ne savent rien. Mais ça fait partie de l'ère du temps, comme on dit à notre époque, de critiquer le pouvoir. Dans toutes les maisons, dans toutes les, hein, dans toutes les endroits, les gens ont pris l'habitude. Hein, et ça vient aussi avec les idéologies des koufars, de démocratie, de liberté d'expression, hein, le droit à l'opinion, la laïcité, toutes ces idéologies-là, hein, le communisme, que le pouvoir politique, c'est l'ennemi. L'autorité, le gouvernement est l'ennemi à abattre. Et que, peu importe quel gouvernement prend le pouvoir, hein, du jour au lendemain, tu vois, des gens, moi c'est ça que j'ai toujours été étonné de ça. Il y a des gens, tu vois, ils votent pour un dirigeant, peut-être en majorité pour un gouvernement. Le lendemain, ils commencent à le critiquer. Le lendemain. Après, le lendemain de l'élection, ils commencent déjà à lui trouver des fautes. Donc, on va expliquer de toute façon tous les principes et les règles de l'islam par rapport à ces questions-là un peu plus tard. Mais c'est pour dire que c'est ça leur manhaj. Et cette méthodologie-là, elle est propagée beaucoup dans les mentalités de beaucoup de musulmans parce que ça c'est devenu quelque chose qui est comme toléré et accepté parmi les musulmans dans leur culture. Dans leur culture générale maintenant, à cause de ces idéologies, les gens ils ont pris l'habitude. Le gouvernement ils ont fait ça. Le gouvernement ils ont pas fait ça. Mais c'est pas dans le but de donner la nasiha. C'est pas dans le but d'essayer d'améliorer les choses. C'est pas dans le but d'essayer de donner une critique positive pour essayer de corriger les fautes et les problèmes et de les améliorer. Hein? Comme si de leur faire parvenir à ceux qui sont responsables les problèmes pour essayer de les régler. Non, c'est juste pour chialer, comme on dit. Hein? Comme si parler juste pour chialer, pour critiquer. Hein? Et pour dire qu'on n'est pas satisfait. Et ça, il y en a déjà, ils sont des spécialistes là-dedans. Il y a même, tu vois, dans les pays où il y a la démocratie, Eh bien, il y a les partis d'opposition, ils sont bons que dans l'opposition. Le jour où ils gagnent les élections, l'élection suivante, ils disparaissent tout de suite parce qu'ils savent juste chialer, ils savent juste critiquer le parti qui est au pouvoir. Mais quand eux, ils ont le pouvoir, ils ne sont pas capables de rien faire. Pourquoi? Parce que la seule chose qu'ils sont capables de faire, c'est juste critiquer les autres. Critiquer, c'est facile. Hein? Détruire, c'est facile. Qu'est-ce qui est difficile? C'est bâtir, hein? Construire, faire quelque chose, agir. Ça, c'est difficile. Bâtir une société, bâtir une civilisation, hein? Créer des universités, créer des choses qui vont faire que les gens vont s'élever dans la science, construire des mosquées, faire avancer la... Ça, c'est difficile. Mais détruire, ça, c'est très facile. Hein? Tu peux détruire en une journée ce que tu as pris 10 ans à construire. Donc, c'est juste pour nous faire réfléchir quand même là-dessus. On va s'arrêter à ce point-là pour l'instant, puis on continuera la suite, Inch'Allah, après. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نعم. En fait, il y a des. C'est pas nécessairement toujours les mêmes, mais c'est que il y a beaucoup de choses qui ont été dites à propos de Uthman radiallahu anhu que c'est des mensonges, des choses qui ont été inventées contre lui. Puis des accusations ou des fausses interprétations. Et donc, Sayyid Qutb, il s'est souvent basé sur les récits des Rafida pour critiquer aussi les Sahaba. Parce qu'il ne faut pas oublier que la religion des Shia, Rafida, elle est établie sur l'insulte et la critique des Sahaba. Hein? Abu Bakr, Omar, Uthman et yani, le reste des Sahaba, excepté Ali radiallahu anhu et quelques autres. Donc, tu retrouves dans leurs livres plein de narrations fabriquées qui mentionnent des fautes sur les Sahaba et des insultes et des dénigrements. Donc, lui, il s'est référé beaucoup à ça. C'est pour ça que les Shia, Rafida, ils ont un grand respect pour Sayyid Qutb. Hein, ils ont même fait des timbres avec la tête de Sayyid Qutb dessus. Malgré que, à la base, il se dit pas chi'i. Sayyid Qutb se dit pas à la base chi'i ou rafidi. Mais le fait que dans les livres de Sayyid Qutb, ils ont trouvé des éléments qui vont, disons, aller dans le sens, dans leurs objectifs, qui vont encourager leur madhab, donc ils en ont profité de ça. Et ils ont incité les gens, donc, à prendre cette photo comme référence, justement parce qu'il insulte dans ses livres les Sahaba et ainsi de suite. Et il parle du khilafa de Uthman en disant que c'était un vide entre les deux khilafas, entre le khilafa de Omar et le khilafa de Ali radiallahu anhuma. Donc c'est comme si radiallahu anhum. Donc si on vous l'a dit, c'est un espace vide entre les deux. Et comme si il ramène des idées, parce que beaucoup de ses idées sociales puis politiques, c'est beaucoup basé sur le socialisme et les idéologies communistes aussi. Donc il essaie d'interpréter certaines des choses qui se passaient à l'époque des Sahaba comme si c'était une lutte entre les classes selon la vision des socialistes et des communistes. Hein? Donc, il parle des riches contre les pauvres, des choses comme ça. Non? beaucoup de dénigrements, d'insultes contre des compagnons, contre Muawiyah radiallahu anhu, contre d'autres également en tout cas. Donc il y a des critiques et des insultes et des mensonges qui ont été rapportés par les Khawarij de cette époque-là, de l'époque, c'est-à-dire les Khawarij de l'époque de Uthman, qui se sont réunis pour l'assassiner. Il ne faut pas oublier que celui qui était à la source et à l'origine de ça, c'était Abdullah ibn Saba. Et Abdullah ibn Saba, c'est lui le fondateur de la secte des Rafida, des Shia. C'était un Yéménite qui était juif et qui s'est converti à l'islam pour semer la discorde et la zizanie dans les pays musulmans. Donc, il s'est déplacé dans plusieurs régions des différents pays musulmans pour essayer d'appeler à ses idées, puis amener les gens à se révolter contre le dirigeant, contre Othman, mais dans plusieurs régions, il s'est fait chasser. Quand il est allé en Syrie, par exemple, on l'a chassé, on l'a renvoyé. Il est parti jusqu'en Égypte, et arrivé en Égypte, il a trouvé un groupe de gens qui l'ont suivi et qui l'ont écouté. Et c'est avec eux qu'il est revenu jusqu'à Médine, puis à la fin, à cause de ça, c'est ces gens-là qui se sont tous réunis pour finalement assassiner Uthman radiallahu anhu. Tu vois? Donc, il y a un lien entre les mensonges et les choses que les Rafida ont dit, puis qu'est-ce que également Sayyid Qutb il a pris un petit peu d'eux aussi en même temps. Donc ça fait que en fait c'est un mélange des deux. D'accord? On va faire comme Baraka, Inch'Allah. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Vous avez dit qu'ils ont dirigé, est-ce qu'ils ont bien dirigé une partie du monde? C'est déjà arrivé à certaines périodes qu'ils ont pris dans certaines régions le pouvoir d'une partie, mais souvent, qu'est-ce qui arrive quand ils prennent le pouvoir? Ils n'arrivent pas à garder le pouvoir longtemps. Et c'est pour ça que même le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, chaque fois qu'une de leurs cornes apparaît, elle est coupée. Et ça, on va le mentionner aussi plus tard. Puis, des fois, qu'est-ce qui arrive aussi? C'est qu'une fois que l'un d'entre eux prend le pouvoir, il y en a un autre groupe qui apparaît, puis qui déclare ce groupe-là kafir aussi. Donc finalement, ils s'entretuent entre eux, ils se combattent les uns les autres. Et c'est comme qu'est-ce qu'on a vu par exemple entre Al-Qaïda et Daesh. Les deux sont des Khawarij, mais il y en a un qui déclare l'autre kafir. Tu vois? Donc il y en a toujours un qui vient qui est plus extrême que le précédent. Et donc ça c'est leur... c'est leur technique. Allah musta'an. Oui. Est-ce que ceux qui s'opposent au parti au pouvoir dans les pays démocratiques sont considérés comme des Khawarij? Ça dépend. Parce que c'est sûr que beaucoup de musulmans dans les pays musulmans qui entrent dans ce genre de système et qui participent sont ignorants de la réalité des principes de l'islam sur ces questions-là. Et donc, ils rentrent dans ce genre de système et ils pensent que c'est des choses correctes. Ou qu'ils ne réalisent pas que c'est des choses qui sont en contradiction avec l'islam. Et donc, dans ce sens-là, ils ne sont pas nécessairement des Khawarij. Sauf qu'il n'y a pas de doute que le musulman qui connaît l'islam, qui connaît les enseignements du prophète sallallahu alayhi wa sallam par rapport au gouverneur et comment on doit l'écouter l'obéissance et l'allégeance au dirigeant, qu'il va être convaincu qu'il y a dans ce système démocratique quelque chose qui vient en contradiction directe avec le système politique en islam et la façon dont en islam on doit écouter et obéir au dirigeant et non pas changer de responsable à chaque 4 ans ou à chaque 5 ans, comme c'est le cas dans certains pays, puisque ça crée de la division entre les musulmans dans une même population. Et ça fait que les musulmans se divisent en différents partis. Et en général, ces partis-là, ils ont tous une idéologie différente. Donc, comment dans un pays musulman, des musulmans qui sont supposés d'être, d'avoir une seule et même aqida et d'être, wa alaykoum salam wa rahmatullah, et d'être unis entre eux autour de leurs dirigeants pour former une seule jama'a, comment cette jama'a-là peut se diviser en différentes jama'at et commencer à se disputer le pouvoir l'une avec l'autre? Hein? Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a interdit ça. Et il y a plusieurs hadiths qui parlent de ça, puis on va en citer, inshallah, dans les interventions qui vont suivre. On va parler de cet aspect-là aussi, en détail. Et sinon, j'ai fait des cours sur la démocratie, les méfaits de la démocratie qui sont disponibles sur mon site Salafi de Montréal. Wa alaykoum salam wa rahmatullah. Donc vous pourrez les consulter, ces cours-là. Puis il y a plusieurs de ces points-là qui sont discutés dedans. Juste concernant le livre, wa alaykoum salam wa rahmatullah. Du frère qui était dans les coins de Mousseline dans la branche secrète. L'Achemin, oui. Je pense que c'est At-Tanzim Sirri عند الإخوان المسلمين. Attendez, je vais voir. At-Tanzim. C'est ça. Le livre s'appelle At-Tanzim Sirri عند الإخوان المسلمين ou لجماعة الإخوان المسلمين, écrit par Ali Al-Ashmawi. Donc ce livre-là, vous pouvez le trouver même en PDF sur Internet. Je vais poster inchallah sur Twitter le cours du frère. Ouais, le frère Hassan Abou Asma, il a fait des cours sur ce livre. Voilà. Tu sais, beaucoup de gens qui ont ces idées-là, ils n'ont jamais lu les hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam au sujet de l'écoute et de l'obéissance du dirigeant. Ils savent même pas que ces hadiths existent. Beaucoup de musulmans savent même pas ces hadiths. Ils ont jamais entendu ces hadiths là, ils les ont jamais lus. Donc déjà même le fait de leur faire lire ces hadiths, hein, déjà ça c'est déjà un grand pas. Parfois le fait même de les lire, ça va peut-être même débloquer ça dans leur esprit. Ils vont comprendre que ah, il y a des hadiths comme ça. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a averti que vers la fin des temps, ou que plus tard, il y a la voix des dirigeants qui vont être mauvais, qui ne vont pas suivre sa sunna, qui vont faire de l'injustice, qui vont frapper, qui vont prendre les biens. Et malgré ça, quand les sahabes ont dit « Est-ce qu'on doit les combattre ?» Il a dit « Non, tant qu'ils établissent la salat. Est-ce qu'on doit les combattre ?» Non, hein, tant qu'ils établissent la salat. Vous ne sortez pas contre eux, vous ne vous rebellez pas contre eux. Hein? Vous écoutez, vous obéissez, même si on frappe votre dos, même si on prend vos biens. Est-ce que ça veut dire que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous demande d'être satisfait et d'accepter l'injustice et d'être d'accord avec l'injuste? Jamais de la vie. C'est pas ça que ça veut dire. Ça veut seulement dire que c'est vrai, oui, c'est une injustice, mais écoutez, obéissez dans le bien. Parce que si vous vous révoltez contre lui, eh bien l'injustice que vous voulez condamner, elle va devenir pire encore. Elle va augmenter au lieu de s'atténuer. Donc à quoi ça sert de se révolter puis de créer plus de mal? Donc soyez patient, écoutez, obéissez dans le bien. Et si vous êtes patient dans cette épreuve, hein, parce que c'est une épreuve et c'est peut-être même que c'est une expiation de vos péchés, peut-être que après Allah va vous récompenser pour votre patience par un dirigeant qui sera bon et qui sera juste et qui va établir la justice pour vous. Mais si vous prenez l'épée, eh bien, vous essayez de régler le problème par ce moyen qui est interdit, eh bien, vous faites que rajouter de l'huile au feu et ça va augmenter vos problèmes. Et dans tous les pays où il y a eu des problèmes et que les gens se sont révoltés contre les dirigeants, en général, ça n'a fait que ramener plus de problèmes. Ça n'a jamais ramené plus de bien. Hein? Donc, les gens ne connaissent pas la sunna à ce sujet-là. Parce que, soit parce qu'on leur a caché ces hadiths-là, ou bien soit parce qu'on leur a déformé la réalité de leur signification. Il y en a parmi les ikhwan, par exemple, qui disent Non, mais ça, c'est des hadiths qui concernent uniquement le khalifa. Le khalifa qui est celui qui dirige toute la umma en même temps. Ou bien celui qui est pieux. C'est, il faut que, comme si tu dois juste obéir à celui qui est pieux. S'il n'est pas pieux, tu ne dois pas lui obéir. Alors que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans le hadith, il dit, il y aura des dirigeants qui seront mauvais et qui vont faire de l'injustice. Et vous devez écouter, obéir. C'est facile d'obéir à celui qui est juste. Un dirigeant juste, c'est facile de lui obéir. C'est facile de l'aimer et d'être bon, hein, de lui obéir dans le bien. Tu dis, ben, il est juste, je suis content avec lui. L'épreuve, c'est d'être patient lorsqu'il est injuste. C'est ça l'épreuve. Oui. Wa alaykoum salam. Quand tu dis est-ce qu'il y a une connexion, tu veux dire est-ce qu'il y a une connexion? C'est-à-dire il y a des liens, il y a des choses qui les connectent, mais ils sont pas nécessairement toujours tous reliés ensemble directement. Mais on voit que ils ont des principes qui se ressemblent et qui convergent. Naam, Allahu a'lam. الله أكبر. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.